aux couleurs du soleil. Elle a le secret des abeilles. Elle sait comment faire les enfants. Les années. Elle, de Annie Ernaux. C'est un avion blanc dans le ciel. Elle a déjà brûlé ses ailes. Adaptation Sophie Lem. Elle est née dans un ouragan. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Septième émission. Pomme. Elle n'en veut parler à personne. Elle a les yeux de l'océan. Photo en couleur. Une femme, un garçonnet d'une douzaine d'années et un homme, tous trois distants les uns des autres, comme disposés en triangle sur une esplanade sableuse, blanche de soleil, avec leurs ombres à côté d'eux, devant un édifice qui pourrait être un musée. À droite, l'homme pris de dos, les bras levés, tout en noir dans un costume genre Mao, filme l'édifice. Au fond, à la pointe du triangle, le garçonnet, de face, en short et t-shirt avec une inscription illisible, tient un objet noir, sans doute l'étui de la caméra. À gauche, au premier plan et à moitié de profil, la femme, en robe verte, lâche à la taille, oscillant entre le style passe-partout et babacool. Elle porte un gros livre épais qui doit être le guide bleu. Ses cheveux sont strictement tirés en arrière, derrière les oreilles, dégageant un visage plein et indistinct à cause de la lumière. Sous la robe floue, le bas du corps paraît lourd. Tous deux, la femme et l'enfant, semble avoir été saisi en train de marcher, se retournant vers l'objectif et souriant au dernier moment sur un avertissement de celui qui prend la photo. Au dos figure la mention « Espagne, juillet 80 ». Elle est l'épouse et mère de ce petit groupe familial dont le quatrième membre, le fils aîné adolescent, a pris la photo. Les cheveux tirés, les épaules voûtées, le tombé informe de la robe indique, malgré le grand sourire, une lassitude et une indifférence au souci de plaire. Aux terrasses des cafés, elle ne voit que les femmes à qui elle donne entre 35 et 50 ans, cherchant sur leur visage les signes du bonheur ou du malheur. Comment font-elles? Mais parfois, assise au fond d'un bar, regardant ses enfants plus loin en train de jouer avec leur père aux jeux électroniques, elle est déchirée par l'idée d'introduire, en divorçant, la souffrance dans un univers si tranquille. Pendant cet été 80, le temps de sa jeunesse lui apparaît comme un espace illimité, plein de lumière, dont elle occupe tous les points et qu'elle englobe de son regard actuel sans rien distinguer de précis. Que ce monde soit derrière elle la stupéfie. Pour la première fois cette année, elle a saisi le sens terrible de la phrase « Je n'ai qu'une vie ». Peut-être s'anticipe-t-elle dans La vieille femme de Cria Cuervos, le film qui l'a bouleversé un autre été, déjà si loin, celui de la sécheresse, irréelle de chaleur. Paralysée, muette, contemplant inlassablement des photos fixées au mur, le visage couvert de pleurs, tandis que passent et repassent les mêmes chansons. Les films qu'elle veut voir, qu'elle a vus récemment, forment en elle des lignes de fiction dans lesquelles elle cherche sa propre vie. Vanda, une histoire simple. Elle leur demande de lui dessiner un avenir. Il lui semble qu'un livre s'écrit tout seul derrière elle, juste en vivant. Mais il n'y a rien. Sans qu'on s'en aperçoive, on était sorti de la léthargie. On jubilait d'apprendre que le dédaigneux Giscard d'Estaing avait reçu des diamants d'un potentat africain soupçonné de conserver les cadavres de ses ennemis dans son congélateur. Par un renversement dont le début se perdait, ce n'était plus lui qui incarnait la vérité, le progrès et la jeunesse. C'était Mitterrand, qui était pour les radios libres, le remboursement de l'avortement, la retraite à 60 ans, les 39 heures, la suppression de la peine de mort, etc. Autour de lui, maintenant, flottait l'aura d'une souveraineté à laquelle son portrait sur fond d'un village avec un clocher d'église conférait la force d'une évidence enracinée dans de vieilles mémoires. On se taisait, craignant que confier sa croyance dans l'arrivée de la gauche au pouvoir ne porte malheur. Même en voyant monter sur l'écran de télé l'étrange visage en pointillé de François Mitterrand, on n'y croyait pas encore. Au soir d'un dimanche brumeux de mai qui effaçait l'échec de l'autre, on revenait dans l'histoire avec une cohorte de gens, les jeunes, les femmes, les ouvriers, les profs, les artistes et les homos, les infirmières, les facteurs. Et on avait envie de la faire à nouveau. C'était 36, le Front populaire des parents, la libération, un 68 qui aurait réussi. On avait besoin de lyrisme et d'émotion, de la rose et du panthéon, de Jean Jaurès et de Jean Moulin, du temps des cerises et des corons de Pierre Bachelet. Des mots vibrants qui nous semblaient sincères parce qu'on ne les avait pas entendus depuis longtemps. Il fallait réoccuper le passé, reprendre la Bastille, se saouler de symboles et de nostalgie avant d'affronter l'avenir. Les larmes de bonheur de Mendès France, quand Mitterrand l'embrasse, c'étaient les nôtres. Tout paraissait possible. Tout était nouveauté. L'air semblait léger, la vie plus jeune. Des mots revenaient, bourgeoisie, classe sociale. Le langage se débridait. Aussi loin que remontaient les souvenirs, il n'y avait jamais eu autant de choses accordées en si peu de mois. Ce qu'on oublierait aussitôt, ne concevant plus de revenir à la situation antérieure. La peine de mort abolie, l'IVG remboursée, les immigrés clandestins régularisés, l'homosexualité autorisée, les congés rallongés d'une semaine, la semaine de travail diminuée d'une heure, etc. Mais la tranquillité se troublait. Le gouvernement réclamait de l'argent, nous en empruntait, dévaluait, empêchait les francs de sortir du pays par un contrôle d'échange. L'atmosphère tournait à la sévérité, le discours rigueur et austérité à la punition, comme si avoir plus de temps, d'argent et de droits était illégitime, qu'il faille revenir à un ordre naturel dicté par les économistes. On aurait su dater quand la crise, donnée obscure et informe, était devenue pour tous l'origine et l'explication du monde, la certitude du mal absolu. À défaut d'espérance, il était prescrit de déchaîner son cœur, avec badge, marche, concerts et disques contre la faim, le racisme, la pauvreté, pour la paix dans le monde, Solidarność, les Restos du cœur, la libération de Mandela et de Jean-Paul Kaufmann. L'apparition de la nouveauté laissait les gens calmes et la certitude d'un progrès continu ôtait l'envie de l'imaginer. Ils accueillaient les objets sans émerveillement ni angoisse, comme un surcroît de liberté individuelle et de plaisir. Avec les disques compacts, il n'était plus besoin de se lever tous les quarts d'heure pour changer de face. La télécommande permettait de ne pas bouger du canapé de toute la soirée. Les cassettes vidéo réalisaient le grand rêve du cinéma à domicile. Sur l'écran du Minitel, on consultait l'annuaire et les horaires SNCF, son horoscope et les sites érotiques. Il était enfin loisible de tout faire chez soi, sans rien demander à personne. Regarder à la maison et sans honte, des sexes et du sperme en gros plan. L'étonnement s'estompait. On oubliait qu'on n'aurait jamais cru voir cela un jour. On le voyait. Et alors, rien. Seulement, la satisfaction d'avoir accès en toute impunité au plaisir naguère défendu. Le temps d'avant quittait les tables familiales, s'évadait du corps et des voix des témoins. Il était à la télévision dans des documents d'archives commentés par une voix de nulle part. Le devoir de mémoire, c'était une obligation civique, le signe d'une conscience juste, un nouveau patriotisme. Après 40 ans de consentement à l'indifférence envers le génocide des Juifs, on ne pouvait pas dire que le film « Nuit et brouillard » ait attiré la foule, non plus que les livres de Primo Levi et de Robert Antelme. On croyait ressentir de la honte, mais c'était une honte retardée. C'est seulement en regardant Shoah que la conscience contemplait avec effroi l'étendue possible de sa propre inhumanité. L'espérance, l'attente, se déplaçait des choses vers la conservation du corps, une jeunesse inaltérable. La santé était un droit, la maladie, une injustice à réparer le plus vivement possible. Les enfants n'avaient plus de vers et ils ne mouraient presque jamais. Les bébés éprouvettes naissaient couramment. Les cœurs et les reins fatigués des vivants étaient remplacés par ceux des morts. Il fallait que la merde et la mort soient invisibles. On préférait ne pas parler des maladies nouvellement apparues qui n'avaient pas de remède. Celles au nom germanique, Alzheimer, qui hagardisaient les vieux et leur faisaient oublier les noms, les visages. L'autre, attrapé par la sodomie et les seringues, punition des homosexuels et des drogués, à la rigueur, manque de chance de quelques transfusés. C'est une cassette vidéo de 30 minutes tournée dans une classe de seconde d'un lycée de Vitry-sur-Seine en février 85. Elle est la femme assise à une table du type en usage dans tous les établissements scolaires depuis les années 60. En face d'elle, les élèves groupés en désordre sur des chaises, une majorité de filles. Plusieurs africaines ou antillaises, maghrébines. Certaines sont maquillées, portent des pulls décolletés. Des anneaux gitanes. Elle parle de l'écriture et de la vie. De la condition féminine, d'une voix légèrement haut-perchée, avec des hésitations, des coupures et des reprises, surtout quand on lui pose une question. Elle paraît débordée par la nécessité de tout prendre en compte, comme assaillie par une totalité qu'elle seule perçoit, puis profère une phrase sans originalité particulière. Elle bouge ses mains, grandes, les passe souvent dans la masse rousse de ses cheveux, mais rien de la nervosité ni des gestes saccadés du film Super 8 domestique d'il y a 13 ans. Par rapport à la photo d'Espagne, le visage offre une atténuation des pommettes, un dessin plus net de l'ovale et des maxillaires. Elle rit, un petit rire léger. Ponctuation de timidité ou résidu incontrôlé d'une adolescence populaire ricaneuse, d'une attitude de midinette admettant son insignifiance, qui contraste avec le calme et la gravité de son visage au repos. Elle est peu maquillée, sans poudre. Sa peau brille. Un foulard rouge glissé dans l'échancrure d'une chemise engonçante vert cru. Le bas du corps est invisible à cause de la table. Aucun bijou. Parmi les questions... Quand vous aviez notre âge, comment imaginiez-vous votre vie? Qu'est-ce que vous espériez? Il faudrait réfléchir. Pour revenir à 16 ans, être sûr, il faudrait au moins une heure. Vous, vous vivez en 85. Les femmes choisissent d'avoir des enfants si elles veulent, quand elles veulent, hors du mariage. Il y a 20 ans, c'était impossible. À ce moment de sa vie, elle est divorcée. Vit seule avec ses deux fils, a un amant. Elle a dû vendre la maison achetée il y a 9 ans. Des meubles. Avec une indifférence qui la surprend. Elle est dans la dépossession matérielle et la liberté. Comme si le mariage n'avait été qu'un intermède, elle a l'impression de reprendre son adolescence là où elle l'a laissée, retrouvant la même attente, la même façon essoufflée de courir au rendez-vous sur ses hauts talons, d'être sensible aux chansons d'amour. Les mêmes désirs, mais sans honte de les assouvir à la perfection. Capable de se dire « j'ai envie de baiser ». C'est dans l'acquiescement impérieux de son corps que se réalise maintenant la révolution sexuelle, le retournement déjà ancien des valeurs d'avant 68. Si consciente aussi d'une splendeur fragile de son âge. Elle a peur de vieillir, de l'odeur du sang qui viendra à lui manquer. Dernièrement, une lettre administrative lui disant qu'elle était nommée dans son poste jusqu'en 2000 l'a pétrifiée. Jusqu'ici, cette date n'avait pas de réalité. Ses enfants ne sont pas habituellement présents dans ses pensées. Pas plus que ne l'étaient ses parents quand elle était enfant ou adolescente. Ils font partie d'elle. Parce qu'elle n'est plus une épouse, elle n'est plus la même mère. Plutôt un mélange de sœurs, amies, monitrices, organisatrices d'un quotidien allégé depuis la séparation. Chacun mange quand il veut, un plateau sur les genoux devant la télé. Souvent, elle les regarde avec étonnement. Ainsi, cette attente qu'ils grandissent, les bouillies céréales et miel, le premier jour à l'école, puis au CES, ont abouti à ces grands garçons dont, elle s'en doute, elle ne sait pas grand-chose. Sans eux, elle ne pourrait pas se situer dans le temps. Quand elle voit des petits-enfants jouer au sable dans un square, elle s'étonne que cela lui arrive déjà de se rappeler l'enfance des siens et de la sentir si lointaine. Parce que dans sa solitude retrouvée, elle découvre des pensées et des sensations que la vie en couple obnubile, l'idée lui est venue d'écrire une sorte de destin de femme entre 1940 et 1985. Quelque chose comme une vie de Maupassant, qui ferait ressentir le passage du temps en elle et hors d'elle, dans l'histoire, un roman total qui s'achèverait dans la dépossession des êtres et des choses, parents, mari, enfants qui partent de la maison, meubles vendus. Elle a peur de se perdre dans la multiplicité des objets de la réalité à saisir. Et comment pourrait-elle organiser cette mémoire accumulée d'événements, de faits divers, de milliers de journées qui la conduisent jusqu'à aujourd'hui. On sentait que rien ne pouvait empêcher le retour de la droite aux élections. Elle revenait, défaisait résolument, dénationalisant, supprimait l'autorisation administrative de licenciement, l'impôt sur les grandes fortunes. Ça ne faisait pas assez de gens heureux. On re-aimait Mitterrand. Les guerres du monde suivaient leur cours. Des actes de terrorisme isolés, dont les auteurs s'évaporaient et couraient le monde comme Carlos, se produisaient, émouvant peu. Du premier attentat de septembre, juste après la rentrée scolaire, on ne se serait pas souvenu sans doute si d'autres bombes n'avaient pas explosé à quelques jours d'intervalle, toujours dans des endroits publics, ne nous laissant pas le temps d'émerger de la stupeur, ni à la télévision celui d'épuiser l'attentat précédent. Plus tard, quand on se demandera à quel moment on a pensé qu'un ennemi invisible nous avait déclaré la guerre, on se rappellera la rue de Rennes, ce mercredi après-midi si chaud, les coups de téléphone aussitôt à la famille et aux amis pour s'assurer qu'ils ne s'y trouvaient pas, au moment où la bombe lancée depuis une Mercedes devant le magasin Tati avait tué les passants. Les gens continuaient de prendre le métro et le RER, mais l'air s'épaississait silencieusement dans les rames. En s'asseyant, on regardait les sacs de sport suspects au pied des passagers, surtout ceux qui pouvaient être assimilés au groupe implicitement désigné comme coupable des attentats, c'est-à-dire les Arabes. Brusquement, dans la conscience d'une mort imminente, on ressentait son corps et le présent avec violence. La réélection de Mitterrand nous rendait à la tranquillité. Il valait mieux vivre sans rien attendre sous la gauche que s'énerver continuellement sous la droite. Dans l'irréversibilité des jours, cette élection présidentielle ne serait pas un repère bouleversant, juste la toile de fond d'un printemps où l'on avait appris la mort de Pierre Desproges d'un cancer et rit comme jamais depuis longtemps avec les groseilles et les duquesnois dans un film qui semblait fait exprès pour voter Mitterrand. Le nouveau venait de l'Est. On n'en finissait pas de s'enchanter des mots magiques, la perestroïka et la glasnost. On s'enthousiasmait pour les étudiants chinois et leurs petites lunettes rondes cerclées de métal, rassemblées place Tiananmen. On y a cru, jusqu'à ce que les chars, toujours eux, surgissent. Un jeune homme s'avance, seul et minuscule. Cette image qu'on verra des dizaines de fois comme la dernière, sublime, d'un film. Ce même dimanche où, sur le stade de Roland-Garros, Michael Chang a gagné la finale. Si bien que l'étudiant de Tiananmen et le joueur de tennis, pourtant si crispant avec ses signes de croix, se confondraient. Les Allemands de l'Est franchissaient les frontières, processionnaient autour des églises avec des bougies pour faire tomber Honecker. Le mur de Berlin s'écroulait. C'était une époque rapide avec des tyrans exécutés après une heure de procès, des charniers d'où étaient exhibés des cadavres terreux. Le titre énorme à la une des journaux « Saddam Hussein envahit le Koweït » en rappelait un autre à la même date, 51 ans plus tôt, que nous avions vu souvent reproduit « L'Allemagne envahit la Pologne ». La Troisième Guerre mondiale ne faisait plus de doute si Saddam Hussein ne se retirait pas du Koweït. Il y avait un besoin de guerre, comme si les gens avaient manqué d'événements depuis longtemps, envieux de ceux dont ils avaient été seulement les spectateurs à la télé. Plus que jamais, les femmes constituaient un groupe surveillé, dont les comportements, les goûts et les désirs faisaient l'objet d'un discours assidu, d'une attention inquiète et triomphante. Nous qui avions avorté dans des cuisines, divorcé, qui avions cru que nos efforts pour nous libérer serviraient aux autres, nous étions prises d'une grande fatigue. Nous ne savions plus si la révolution des femmes avait eu lieu. On continuait à voir le sang après 50 ans. Il n'avait plus la même couleur ni la même odeur qu'avant, une espèce de sang illusoire. Mais cette scansion régulière du temps qu'on pouvait maintenir jusqu'à la mort nous rassurait. On portait des jeans et des caleçons, des t-shirts comme des filles de 15 ans, disions comme elles « mon copain » pour parler de notre amant régulier. À mesure qu'on vieillissait, on n'avait plus d'âge. En entendant « Only You » ou « Caprice est fini » sur Radio Nostalgie, une jeune douceur nous envahissait. Le présent s'agrandissait jusqu'à nos twenties. Par rapport à nos mères, refermées et suantes dans leur ménopause, on avait l'impression de gagner sur le temps. « Only You » C'était « Les années » de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lem. Septième émission. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Et la voix de Souliane Brahim. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Les années, de Annie Ernaux, est publié aux éditions Gallimard.